Bonjour, nous sommes lundi le 2 avril 2018. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici les titres. Un malfaiteur a lancé une grenade causant 2 morts et 14 blessés dans un bistrot du nommé Lufiri et le soir de ce dimanche sur la colline Lugali Gitamo à Gitega. Selon le porte-parole de la police, 2 personnes ont été appréhendées pour enquête. Certains habitants des rives du lac Tanganyika disent que la biodiversité de ce lac est menacée, y compris les hippopotames qui ne trouvent plus où brouter et suite aux constructions des habitations et des places de loisirs qui vont jusque dans les eaux, ils demandent aux responsables d'arrêter ces constructions. La principale cause de l'octroi des terres de la plaine de Limbo jusqu'aux rives du lac Tanganyika est la corruption. Le président de l'organisation Parsem le dit après que les différentes autorités aient exprimé leurs craintes sur la distribution des terres de la plaine de Limbo. Les électeurs au scrutin référendaire sont appelés à consulter les listes électorales provisoires du 3 au 6 avril munis des récépissés. Et à la fin de ce journal, il y aura aussi l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Aimé Toussaint Mitebouti à la présentation. Christelle Anizigama, bienvenue. Je vous le disais dans les titres, les listes électorales provisoires seront affichées dès ce mardi 3 avril jusqu'au vendredi 6 avril. Ils seront affichés à chaque entrée centre d'inscription dans un arrêté de la Commission électorale nationale indépendante du 28 mars. En son article 3e, précise que pendant la période d'affichage de ces listes, aucune nouvelle inscription n'est autorisée. Toutefois, poursuit cet article, les personnes qui, par des documents officiels justifiés leur absence à l'enrôlement électoral du 8 au 17 février 2018 sont autorisés à se faire inscrire au rôle électoral. La CENI appelle ceux qui se sont fait inscrire pour le scrutin référendaire du 17 mai à se munir des récépissés reçus lors de l'enregistrement. 276 adeptes de Zébi ont passé cette nuit au stade Gatwalo, au chef-lieu de la province Kayanza. Ils sont venus du camp des réfugiés de Gachola, du district de Bugesera au Rwanda. Ils affirment qu'ils sont rentrés de leur propre volonté, mais après avoir vu leurs représentants emprisonnés. Apollinaire Muzagara. Ces adeptes des Zébi sont originaires des 6 communes de la province Kayanza, à savoir Kabarore, Gatara, Gahombo, Kayanza, Murutai, Muhang. Ils indiquent qu'ils ont jugé bon de regagner leur famille après l'emprisonnement de leurs représentants. Ils parlent de 48 déjà sous les verrous au Rwanda. Aussi, disent-ils, ils sont rentrés parce que les autorités rwandaises commençaient à séparer certains de leurs familles. Selon eux, les hommes et jeunes garçons robustes étaient acheminés vers les camps de réfugiés de Nyanza et Nyarushishi, ce qui les inquiète. L'administration et la police procédaient à leur identification. Après, ils seront amenés dans leur famille où ils seront suivis du jour au jour par les chefs de colline, indique la police sur place. L'administration demande à ces refoulés une bonne cohabitation avec ceux résidant sur les collines d'accueil et d'adopter un comportement responsable. De Kayanza, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire. Sécurité à présent, 2 morts et 14 blessés lors d'un jet de grenade dans un bistrot du nommé Lufiri par un malfaiteur. C'était ce dimanche soir sur la colline Lugali Gitamo à Gitega. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Gitega. Selon le porte-parole de la police Pierre Moulikié, 4 individus dont sont suspectés et 2 parmi eux ont été appréhendés pour enquête. Toujours sécurité, une personne a été légèrement touchée par balle le soir de ce dimanche sur la route nationale 5 à Gihanga dans la province de Bubanza. Une voiture d'immatriculation congolaise en provenance de Chibitoke est tombée dans une embuscade des criminels non encore identifiés. Confirmation du porte-parole de la police Pierre Moulikié qui indique que le chauffeur ne s'est pas arrêté. Il a continué à filer vers Bujumbura. Et page éducation, le montant du prêt bourse accordé aux étudiants universitaires sera compris entre 60 000 et 150 000 francs selon le cycle d'études. Cela est contenu dans une ordonnance sortie par le ministère de l'Éducation et celui des Finances et du Budget. Et ce prêt bourse sera remboursé par l'étudiant après obtention d'un travail dans le public ou le privé. Ali Dandaï Keza pour plus de détails. Comme nous vous l'avions dit dans nos éditions antérieures, l'ordonnance ministérielle stipule que le prêt bourse sera accordé aux étudiants universitaires en tenant compte des équilibres régionaux. Dans cette ordonnance, il est mentionné à l'article 20 que le prêt bourse est mensuel et viré sur les comptes des bénéficiaires. Le montant est de 60 000 francs burundais pour le premier cycle, 100 000 francs burundais pour le deuxième cycle et 150 000 francs burundais pour le troisième cycle. Cet argent de prêt bourse va couvrir la restauration, le transport, l'hébergement et d'autres soins. À l'article 22 de cette même ordonnance, il est précisé que la commission de gestion des bourses d'études et de stages peut accorder une assistance particulière en nature en vue de l'encouragement des candidats qui poursuivent des formations dans les filières stratégiques. Pour ce qui est du remboursement, il se fera après que l'étudiant ait décroché un emploi ou qu'il exerce une activité génératrice de revenus. Ainsi, à l'article 24, il est écrit que chaque employeur, qu'il soit du privé ou du public, il devra exiger à l'étudiant de présenter une attestation de redevabilité ou de non-redevabilité vis-à-vis du prêt bourse pour montrer qu'il a rempli sa part du contrat. Par après, l'employeur devra opérer une retenue de 10% à la source sur le revenu mensuel de l'étudiant et l'organe étatique qui sera chargé de collecter ses remboursements, c'est l'Office burundais des recettes, OBR. Mais à l'article 28, il est mentionné que ceux qui ne seront pas à mesure de rembourser totalement ce prêt-bourse, ils devront payer des pénalités qui seront précisées dans le contrat de prêt-bourse signé entre le bénéficiaire, son parent ou tuteur et le ministre de l'Éducation et celui des Finances. Cette ordonnance ministérielle conjointe du 22 mars 2018 entre en vigueur avec l'année académique 2017-2018. Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h03, continuons ce journal par la page environnement. Un hippopotame a quitté les eaux du lac Tanganyika jusqu'au centre-ville de Bujumbura, précisément à l'école Stella Matutina le soir de ce dimanche. Le porte-parole de la police, Pierre Moulikiye, fait savoir que cet hippopotame a été conduit jusqu'au lac Tanganyika par les forces de l'ordre. Le lac Tanganyika est menacé par la construction des habitations et des places de loisirs qui, par endroits, vont jusque dans les eaux de ce lac. Certains habitants des rives disent que la biodiversité du lac Tanganyika est menacée, y compris les hippopotames qui ne trouvent plus où brouter. Ils demandent aux responsables d'arrêter ces constructions. Charles Makoto a fait le tour de certains quartiers situés autour du lac Tanganyika. Son reportage. Des maisons en grande partie en étage, des chantiers et des places de loisirs occupent non seulement les rives du lac, mais sont par endroits implantées dans les zones du lac Tanganyika, du sud au nord de la capitale. En passant par le centre tout au long du lac, des bâtiments poussent comme des champignons où d'habitude poussaient les herbes. Le quartier Kibengarira est aussi connu au nord de Ruvyagira ou Kidivigiri pour les anciens occupants. Des murs de clôture, des habitations ou des pistes de danse sont même érigées dans l'eau du lac. Cet habitat témoigne. Le quartier fut la source de survie pour les hippopotames du lac Tanganyika. Avant l'édification des maisons dans cet espace, c'était un endroit servant de pâturage pour les animaux, des hippopotames et souvent des vaches. Ce sont des hippopotames qui sortaient du lac pour venir brouter ici. Selon lui, les hippopotames vont aujourd'hui au-delà de l'avenue du large à cause du manque de pâturage, vu que les maisons ont envahi leur demeure. C'est parce que les gens, quand ils sont en train de construire des maisons, ils approchent surtout le lac. Il n'y a pas de distance par rapport au lac. C'est juste sur le lac. On voit qu'ils sont presque sur le lac, à 10-5 mètres. La situation du quartier Kabondo Ouest est loin d'être différente. Les murs des maisons ou d'espaces de loisirs, là où ils ne sont pas dans l'eau, sont érigés à moins de 10 mètres de l'eau du lac Tanganyika. Pour cet habitant, les constructions qui bordent le lac pourraient conduire aux accidents qui mettraient en danger la vie des humains. Parce que les hippopotames sont la nuit, ils montent jusqu'à là-bas, l'avenue du lac. Quand tu es dans la rue et quand on a la culture là-bas, les hippopotames passent dans ta culture. Et parce qu'il n'y a pas d'herbe, ton culture reste la nourriture de ces hippopotames. La situation est telle qu'elle, même au nord-ouest de la capitale, où les places de loisirs occupent l'espace qui va des quartiers industriels jusqu'aux alentours de la réserve naturelle de la Roussizie. Cependant, le code de l'eau interdit toute construction à moins de 150 mètres des rives des lacs. Charles Makoto, toujours environnement, c'est normal qu'un hippopotame quitte le lac Tanganyika à la recherche du pâturage. Propos du professeur Gaspard Nakimazi, c'est dans l'habitude des hippopotames de sortir pour brouter pendant la nuit et retourner dans le lac le matin. S'il arrive qu'un hippopotame effectue un long trajet de 1 km ou plus, cela signifie que l'animal est perdu. C'est dans ce cas, il faut que les chargés de l'environnement aient de l'animal à retourner au bercail. Suivez professeur Gaspard Nakimazi au micro de Gertrude Mahonayo. Selon moi, c'est que ce sont des choses qui se sont souvent passées. Les hippopotames sortent de l'eau la nuit pour aller chercher à brouter. Et alors, donc, ils avancent au fur et à mesure qu'ils le trouvent pas. Mais généralement, ils connaissent bien où là ils vont brouter, quoi. Alors, si c'est un qui va à un endroit où il n'a jamais été avant, là, c'est qu'il s'est perdu. Sinon, habituellement, il va brouter généralement aux mêmes endroits, là où il sait bien qu'il y a une bonne pâture pour lui. Mais sinon, c'est pas la première fois que ça arrive ici à Bujumbura. Quelle quantité un hippopotame a besoin par jour pour se vivre? Moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais avoir son volume. Et comme c'est un herbivore, il faut beaucoup d'herbe pour satisfaire sa faim. On peut vérifier, c'est sûrement variable suivant la taille de l'animal. C'est que cet animal-là, il peut aller donc, jusqu'à 2 tonnes et plus par jour. Ça peut être plusieurs dizaines, même jusqu'à une centaine de kilos d'herbe par jour. Et faire ce trajet dans un endroit où il y a des maisons, dans la route, croisant déjà peut-être même des voitures, est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur cet animal? À mon avis, je crois que s'il était dehors pendant en pleine journée, c'est que là, vraiment, il s'était perdu. Généralement, il retourne au lac après la nuit, dès le soleil levé. Sinon, pour lui, marcher donc, plusieurs centaines de mètres, même un kilomètre ou 2 kilomètres, c'est pas ça qui va le tuer, je ne pense pas. Le problème serait plutôt par rapport à la circulation. Là, ce serait plutôt embêtant. Il faudrait plutôt que notamment les institutions publiques, notamment ceux qui sont chargés de l'environnement, puissent déployer le personnel pour lui montrer le chemin pour retourner au lac. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Et je vous le disais tout au début de ce journal, c'est la corruption principale cause de l'octroi des terres de la plaine de Limbo jusqu'aux rives du lac Tanganyika pour être viabilisée. Du moins, c'est l'avis du président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM, après que différentes autorités aient exprimé leurs craintes sur la distribution des terres de la plaine de Limbo concernant les états généraux qui seraient organisés pour dénouer ce problème. Koumana regrette que même les conclusions des précédentes n'ont pas été mises en application. Suivez-le, il est au micro d'Eli Nibel Nibigira. C'est inquiétant, c'est sidérant. Un pays qui a un indice de la faim le plus élevé du monde, 40%. Alors que dans toutes les politiques d'augmentation de la production agricole, on avait tablé sur les facteurs de production, il y a les terres. Et tout le monde avait conclu que la plaine de Limbo constitue l'un des éléments du potentiel agricole dont dispose le Burundi, qu'on devrait exploiter pour devenir le grenier de la sous-région. On se demande pourquoi son comportement continuait à s'abroger dans un espace identifié comme l'un des éléments du potentiel agricole au niveau de l'environnement, le lac Tanganyika. Nous avons encore de l'eau qui protège le lac Tanganyika, les ailes protégées. Mais ce qui se passe, c'est dramatique. Le lac Tanganyika a une grande biodiversité qui devait même nous fournir des devises, l'exportation du poisson, le tourisme autour du lac Tanganyika. On se pose la question, comment un même ministère chargé de l'aménagement du territoire et en même temps de la production de l'environnement puisse autoriser des actions contradictoires? Et ce qui est inquiétant aujourd'hui alors, c'est que le Burundi commence à être un Burundi à deux visages. Il y a un visage du Burundi à partir des discours officiels qu'on entend avec une image du Burundi réel sur terre. L'image du Burundi réel et l'image du Burundi décrit dans le discours commence à devenir comme la nuit et le jour. Et quelle en est la cause selon la PARSEM? Cela est dû à la corruption. La corruption commence à heurter la volonté politique d'abord des autorités. Aucun pays au monde ne peut s'engager dans des réformes, quelque salvatrice soit-elle, s'il est miné par la corruption. Mais le président du Sénat avait suggéré que des états généraux soient organisés pour trouver la réponse à son problème. On parlait des réunions très émotives des états généraux. Nous, parcelles, nous sommes à notre niveau. On se pose la question, pourquoi il est difficile même de mettre en application les recommandations des états généraux, des réunions, des conclaves qui ont été tenues antérieurement, les remises en application restent toujours problématiques. À 13h11, continuons avec l'actualité sportive. Le championnat national de football en deuxième division a continué dans sa 9e journée en fin de ce week-end. L'équipe militaire de Muzinga FC a été battue par Lukinzo FC sur le score de 3-2. Toujours en football, le championnat féminin a continué dans sa 2e journée. La formation féminine de PVP Buyenzi a démontré l'expérience dans ce tournoi en battant la formation de 11 étoiles sur le score de 7-0. C'est Jean-Marie Vianney Ndakoumana pour plus de détails. Samedi, le 31 mars 2018, 6 matchs ont été joués dans les différents terrains de football. Au stade de Buganda, la formation militaire de Muzinga FC a été battue par Lukinzo FC sur le score de 3-2. Au même stade, Transport FC a égalisé avec Burundi Sport Dynamique un but partout. Sur le terrain de football se trouvant au camp militaire de Deseya à mairie de Bujumbura, Volontaire FC s'est incliné 2-1 devant la formation de Bumamuru. Sur le terrain de football du camp militaire de Lukina en province de Rumonge, Magara Star a égalisé avec Kayanza United un but partout. En province de Rutana, devant ses supporters, la formation de Mososhuga a bâti les éléphants un but à 0. Au stade Omucho en province de Muyinga, Unité FC a été bâti par les Crocos de Rumonge sur le score d'un but à 0. Ce dimanche, deux matchs ont été joués. Busoni Star s'est incliné 1-0 devant la formation de Rumonge City. Au stade de Uganda, Espoir FC a battu la formation Rusizi FC 2-0. Toujours en football, le championnat national féminin a continué dans sa 2e journée le week-end écoulé. 3 équipes ont encaissé beaucoup de buts. La formation féminine, la Colombe FC d'Ongozi, a battu l'Ainibor Dogitega sur le score de 3-0. Ubuntu FC de Kayanza a bâti la formation Fofira PF d'Ongozi avec le score de 14-0. La formation de PVP Buyenzi, après avoir éliminé Ubuntu Women Football Club dans la première journée du championnat, ce week-end, cette équipe a corrigé la formation 11 étoiles sur le score de 7-0. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Nigeria, une attaque de Boko Haram contre Maiduguri au nord-est a fait au moins 18 morts et 84 blessés dimanche soir. Selon l'agence française de presse, un responsable a précisé que les personnes ont été tuées alors qu'elles essayaient de fuir les tirs entre les insurgés et les militaires. Et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa visite en ce moment Pékin pour une visite de 5 jours. Un long séjour pour réaffirmer les liens économiques anciens entre les deux pays. La Chine est en effet le plus gros investisseur étranger au Zimbabwe. Mais Emmerson Mnangagwa et Xi Jinping devraient aussi parler politique en vue de l'implication de la Chine dans les affaires zimbabwéennes. Selon la BBC Afrique, le nouveau premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, déclare être prêt à résoudre le conflit avec l'Érythrée. Et dans un discours à la télévision nationale, Ahmed a appelé à mettre fin à des années d'incompréhension. Les deux pays ont eu des relations difficiles depuis une guerre de 2 ans, de 1998 à 2000, à la suite d'un différend frontalier qui a fait 70 000 morts. Et voilà, c'est sur ces brèves internationales que nous clôturons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Aimé Toussaint-Mitebousti pour sa parfaite collaboration technique. Christiane Isgama était à la présentation. Au revoir.